aujourd'hui, nouvelle technologie du vivant. Sur notre planète, la structure du vivant se résume à 4 lettres, A, C, T, G, 4 nucléotides qui sont les briques élémentaires de l'ADN, la base du code génétique qui programme les protéines, les cellules et, in fine, la vie. Depuis que les biologistes ont compris le fonctionnement de l'ADN, ils cherchent à mieux comprendre pourquoi ces 4 nucléotides-là et pourquoi pas d'autres. Et depuis peu, deux nouvelles briques de synthèse sont apparues, X et Y, et la machine s'emballe. Nouveaux acides aminés, nouvelles protéines, êtres semi-synthétiques, jusqu'où la microbiochimie de synthèse peut-elle nous emmener ? ADN, deux nouveaux maillons dans la chaîne, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour explorer ces nouveaux territoires du vivant synthétique ou semi-synthétique, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Philippe Marrière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique à l'Institute of Systems and Synthetic Biology, l'ISSB, au sein du Génopôle. Bonjour Thomas Hibert. Bonjour. Vous êtes président et cofondateur de la société de biotechnologie DNA Script. On ira y faire un tour tout à l'heure dans le reportage du jour. Vous pouvez nous suivre sur les ondes comme chaque jour et en direct sur notre fil Twitter qui vient d'enregistrer son 10 millième abonné. Bienvenue à lui, bienvenue à vous. C'est le compte @laméthodefc. La science n'est pas longtemps passive, elle devient active, elle intervient. Nous finirons par intervenir, par modifier ce DNA. Enfin, quand je dis nous, ce ne sont pas les biologistes, mais ce sont les chimistes qui finiront bien par modifier ce DNA. Et déjà, ils ont commencé à le faire. Car en 1928, le biologiste anglais a fait, sans le savoir, une modification de DNA. Il a transformé le patrimoine héréditaire d'une certaine race de microbes en le soumettant à l'action de microbes tués d'une autre race. De cette expérience, on a dit que c'était un grand événement, un des plus grands événements de l'histoire de la biologie. Je crois qu'on peut même aller jusqu'à dire que c'est un des plus grands événements de l'histoire de l'homme. Car c'est la première fois qu'on a touché à un patrimoine héréditaire, qu'on a touché à la spécificité d'un DNA. On a fait des expériences sur les animaux supérieurs, vous le savez, on a essayé de modifier le DNA des animaux supérieurs, des oiseaux. Ces expériences, les résultats de ces expériences sont encore controversés. Mais il est certain que par un moyen ou par un autre, les chimistes finiront par modifier le DNA. Ils feront une sorte d'industrie du DNA, comme on fait l'industrie des matières plastiques. On fera des super DNA. On finira par falsifier le DNA naturel, par le frelater en y introduisant des molécules étrangères. Et alors vous voyez tout ce que cela ouvre d'espoir, de perspective pour l'homme. Et aussi, disons-le, d'inquiétude. Voilà, inquiétude et perspective des modifications du DNA, de l'ADN. Nous sommes en 1962. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle du biologiste, historien des sciences, académicien également, Jean Rostand, à propos de l'ADN et du début des possibilités de modification et de manipulation du code génétique. 55 ans après, votre regard, Thomas Hibert, sur cet archive que vous découvrez. Philippe Marrière la connaissait, donc je lui demanderai après, mais je veux votre avis pour commencer. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui, enfin, c'était la vision à très très long terme en fait de ce qui se passe, et c'est totalement vrai aujourd'hui. Je mettrais juste ça me fait rire parce que il parle de chimiste et moi je me considère pas comme un chimiste, je suis pas chimiste de formation, je me considère plus comme quelqu'un qui fait de la biotechnologie, et notamment avec ce qu'on fait chez DNA Script, on pense que c'est plus la chimie, c'est au-delà de la chimie pour justement faire naître cette industrie du DNA, comme il dit. Et en même temps, vous vous et lui et à travers vous pointer quelque chose d'intéressant, c'est qu'on est précisément à la limite entre la biologie moléculaire, la chimie de synthèse. Je disais dans l'introduction la biochimie de synthèse, mais c'est presque un néologisme finalement. Où on se trouve quand on commence à aller manipuler l'ADN au niveau des nucléotides? Ah bah, pour nous, on est vraiment à la frontière. On est au niveau de ce qui se passait dans la microélectronique quand on a découvert le transistor et qu'on a pu en faire des microprocesseurs. On est vraiment au début de l'histoire et en tout cas c'est ce que DNAscript transporte comme vision, hein, c'est on est là pour faire naître une nouvelle industrie et tout ce qui va avec. Ce dont parlait Jean Rostand, une nouvelle industrie du DNA. Philippe Marrière, votre réaction à cette archive de Jean Rostand, qui est tout à fait saisissante, qui est formidable. Il utilise le mot de chimiste, mais c'est comme vous l'avez indiqué vous-même, c'est le mot de synthèse qui est intéressant. Et la synthèse est une façon de comprendre, hein. C'est en fabriquant des molécules qui n'existent pas forcément. Les chimistes se sont aperçus très tôt, en faisant des colorants, vers 1850, que les molécules, on pouvait créer des molécules qui n'avaient pas cours autour de nous. Donc il y a une dimension vraiment vertigineuse, hein. Si on n'a pas peur des mots, on pourrait même dire démiurgique là-dedans. Mais tant qu'on est dans des petits composés chimiques, ça va pour faire des couleurs, pour les textiles, tout ça. Bon, quand on va dans la constitution même des acides nucléiques, hein, et la prophétie de Rostand est, comme on disait, saisissante, il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir mettre notre grain de sel là-dedans. Et en fait, c'est là qu'il y a quelque chose de vraiment presque une césure dans la façon de comprendre et d'opérer en science. C'est que la démarche du synthéticien, si on peut parler comme ça, et hein, c'est-à-dire quand on fait de la synthèse, on peut le faire par des moyens de biotechnologie, hein. On le fait pas forcément avec les instruments, la verrerie de la chimie, mais quand on fabrique des choses comme ça et que on se dit que on les forme pour voir si leur existence est possible et qu'on en a fait, on les a dessinés, etc. Et on est dans une démarche plutôt homo faber que homo sapiens, vous voyez. Et je pense que là, il y a vraiment un point très important, c'est que et c'est marrant parce que la charnière est vraiment au XXe siècle. Pendant tout, jusqu'à l'an 2000, en gros, les biologistes se disaient ce qui compte, la science biologique, c'est de décrire le monde vivant, hein. Et puis donc, suite à Watson, Crick et compagnie, on va comprendre énormément, parce qu'il y a une unité chimique. Et puis à partir du tout début des années 2000, c'est qu'on se dit, ben non, mais peut-être qu'une façon de comprendre, c'est de fabriquer, comme les chimistes ont fait des colorants, c'est qu'on va fabriquer notre propre biodiversité, c'est comme ça qu'on va apprendre. Et j'insiste tout de suite là-dessus pour dire, c'est une attitude modeste, intellectuellement qui est modeste. Plutôt que de rendre compte de l'univers vivant en entier, c'est de dire, bottom-up, si on peut parler comme ça, on va construire les choses et c'est par essai-erreur qu'on va comprendre peut-être ce que c'est que le design du vivant naturel. Alors on va poser, vous allez voir qu'effectivement, mais quand on commence à manipuler les briques du vivant, se pose un nombre incroyable de questions de toutes sortes, de questions scientifiques, de questions éthiques que l'on abordera tout à l'heure. Mais avant cela, on va faire le tour de ce que l'on sait aujourd'hui, de ce que l'on est capable de faire et des progrès. Parce que comme vous venez de le dire, Thomas Hibert, on est au début d'une histoire qui commence à s'écrire et dont on voit très nettement l'accélération ces derniers mois. Hein, on peut parler de mois. Peut-être pour commencer, les premières tentatives, Philippe Marlière, d'ajouter des lettres à cet alphabet génétique qu'on peut dire, que peut qualifier avec un clin d'œil de pauvre, hein, puisqu'il n'a que 4 lettres, 4 ouais. Nucléotides, ATCG. À quand remontent-elles ces premières tentatives? Elles remontent très précisément sous forme écrite à un article d'Alex Rich, qui était un des potes de Francis Crick, et qui a écrit un article prophétique en 1963, c'est-à-dire 10 ans après la découverte de la structure en double hélice, et qui, dans Horizons in Biochemistry, il décrit la paire isoguanine-isocytosine, en disant, il n'y a pas de raison qu'on, si on inverse des motifs chimiques, etc., ça nous ferait une troisième paire de bases. Iso-G-Iso-C qui va être réalisé en 89. Qui a été faite par Steve Benner, quand il était encore en Suisse. Oui, c'est ça. Et qui en fait, qui marche pas très bien. On n'arrive pas. Ce qui est important dans les bases, quand on dit on va ajouter des bases, c'est pas comme les colorants, c'est qu'il faut pas qu'elles se mélangent avec celles qui sont déjà là. Alors, donc il y a des questions de cohérence, si vous voulez, ou de discrimination dans l'alphabet. Peut-être pour comprendre la complexité de créer de nouvelles bases, de nouveaux acides nucléiques, peut-être faut-il rappeler précisément, Thomas Hibert, ce que sont ces quatre bases de l'ADN qui composent la structure de toute forme de vivant que l'on connaisse aujourd'hui sur Terre. ACTG, c'est quoi? Bah, ce sont des molécules chimiques qui ont un certain nombre d'atomes, qui sont assez simples en fait, comparées à d'autres entités du vivant, et qui vont s'assembler dans un polymère, c'est-à-dire une grande chaîne, comme un collier de perles. Donc chaque nucléotide représentant une perle d'une couleur différente. Et il y aurait quatre couleurs, donc les A, T, C et G. Et qui fonctionnent par paire, hein? Donc c'est très important. Qui fonctionne par paire, puisque effectivement l'ADN est un polymère où il y a deux brins qui sont complémentaires, et en fait à chaque fois quand il y a un A en face il y a toujours un T, et quand il y a un C il y a toujours un G. Pour compléter, Philippe Marrière, cette définition, quelles sont les propriétés peut-être de ces nucléotides? Je suis un peu pas tout à fait d'accord avec. Sont des molécules simples quand pour un chimiste. Le chimiste quand il les voit il dit oui c'est pas très difficile à compliquer, mais en fait c'est. On va vous mettre sur Twitter la formule chimique, vous allez voir qu'effectivement ce ne sont pas des molécules très complexes. Non mais c'est des ultra hautement sophistiqué quand on y réfléchit bien, parce que pour une raison j'allais dire holographique. C'est-à-dire que quand vous avez la géométrie de l'appariement, en fait dans deux bases appariées, vous avez déjà là-dedans toute la structure de la double hélice. Vous voyez, et donc c'est pas juste des molécules, on a pris deux comme ça, il se trouve qu'elles pouvaient s'ajuster un peu, c'est que l'ajustement, l'intégration dans le design, l'architecture même des bases, où il y a quelques dizaines d'atomes, est très hautement sophistiquée. Ce n'est pas en prenant n'importe quoi qu'on aurait eu de l'hérédité. Bien sûr, mais on parlait de la structure atomique, qui est une structure atomique simple, ce ne sont pas des molécules très complexes. Non, mais si, c'est justement. C'est comme si vous me disiez une sonate de Scarlatti n'est pas compliquée parce qu'il y a très peu de notes. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est très hautement sophistiqué. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que... C'est une belle métaphore. Voilà. Un mot peut-être, Thomas Hibert, pourquoi vouloir ajouter des bases à ces quatre bases qui sont celles qui constituent le vivant aujourd'hui? Il y a plusieurs raisons. Une des raisons qui peut être évoquée, et je pense qu'on en reparlera dans les applications de la synthèse de l'ADN, c'est pour augmenter la densité d'informations, puisque quand on rajoute des lettres, un peu comme dans notre alphabet, ben on va pouvoir faire des choses plus complexes avec des mots qui vont avoir la même taille en longueur, mais qui vont transporter plus de sens. Donc ça c'est une des raisons possibles. Puis après, on peut dériver en fait cette densité d'informations à plein d'applications possibles, et vous en avez cité en introduction, notamment avoir un répertoire ensuite de protéines plus important pour ajouter des fonctions, encore une fois pour des applications qui peuvent aller de la pharma à la biologie synthétique. On en parlera tout à l'heure. On peut préciser, on va avancer un peu dans cette histoire, hein, première base non naturelle, donc vous l'avez dit tout à l'heure, Brenner en 89, ISO-G, ISO-C, il y aura d'autres tentatives, mais il faut préciser que jusqu'en 2014, Philippe Marrière, ces tentatives sont des tentatives de chimistes, elles se passent in vitro. C'est tout à fait. Je ne sais pas si les premières tentatives de faire des variations chimiques, si on peut dire, sur le thème des bases naturelles, c'est assez ancien parce que ça a commencé en chimiothérapie. Vous savez, il y avait des espèces d'ersatz, je sais pas comment dire, d'analogue de base dont on se servait pour empoisonner l'ADN. Donc en fait, faut considérer aussi qu'il y a eu énormément des trésors d'innovation, si on veut, du côté chimie, des chimistes, pour faire des toxiques génétiques, hein, ça s'appelle génotoxiques. Aujourd'hui encore, dans les traitements de chimiothérapie, il y a des analogues de base, hein, qui sont employés. Le fluorouracile, par exemple. Il y a un très très grand corpus de savoir-faire du côté chimique de ce côté-là, dans ce domaine-là. Ce qui a vraiment été nouveau, ce qui a été introduit, je dirais, le premier qui s'y est mis vraiment avec avec héroïsme, hein, parce que là, on parlait de Rummesberg, mais pour moi, Rummesberg, la démonstration totale que ça va jusqu'à coder, en plus, un analogue supplémentaire. Alors, Rummesberg, on en parlait hors micro, donc on va en parler dans un instant pour les auditeurs. On n'a pas encore parlé, mais on va y venir. Donc, En fait, lui, il est allé jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il a une paire de bases, mettons X, Y. Ensuite, ça donne lieu dans un ARN à X. qui est incorporée dans une autre chaîne Y. Et puis, quand les deux se mettent ensemble sur un ribosome, on a un acide aminé, c'est-à-dire un troisième larron, qui n'est pas non plus naturel et qui est incorporé dans les protéines en réponse à tout ce codage. Donc, il a la chaîne de codage complète. Donc, c'est totalement, c'est le 13e travail d'Hercule, hein, du point de vue du transfert informationnel. Donc, on doit s'incliner. Maintenant, si on regarde les bases elles-mêmes, et Romesberg, quand on discute de ça, les discussions qu'on a avec lui, c'est comment on va les perfectionner et tout ça. Il en a déjà fait, même depuis. C'est absolument incroyable comment il a découvert ces trucs-là, parce qu'il a appliqué une démarche un peu combinatoire, hein, un peu comme on fait en recherche de drug discovery, quoi, pour créer des médicaments. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Donc vraiment, c'était un boulot énorme. Et puis ils sont arrivés sur juste une paire qui avait l'air de marcher. Maintenant, ils ont fait des variations sur ça marche de mieux en mieux. Mais par exemple, cette paire X, Y, on ne peut pas faire des enchaînements. Dans l'ADN, on peut avoir des enchaînements A, C, C, G, T, on peut avoir n'importe quel. C'est ça, même d'ailleurs, la base d'hérédité, c'est qu'on peut avoir n'importe quel texte. Avec des bases X, Y, donc on peut avoir A, C, G, X, un seul qui est interposé dans. Etc., mais on ne pourrait pas avoir X, X, A, ou X, Y. On ne peut pas en avoir de répétition. De répétition de ces nouveaux nucléotides. Donc en fait, par contre, ce n'est, dans les bases de Benner a tout un bestiaire chimique de nouvelles bases. Elles sont beaucoup plus proches, dans leur structure chimique, de l'ADN naturel, et donc devraient amener à des textes qui est vraiment enrichi dans son alphabet de manière beaucoup plus libre. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h15, vous écoutez La Méthode Scientifique, nous parlons de l'ADN de synthèse tout au long de cette heure en compagnie de Philippe Marnière et de Thomas Hibert. Hein, on l'a dit, Romesberg qu'évoquait Philippe Marnière à l'instant, c'est Floyd Romesberg. En 2014, il publie dans Nature la création d'une lignée bactérienne avec deux nouveaux nucléotides X et Y. Ce n'est pas tant ces nucléotides dont on va beaucoup parler, ainsi que d'autres, hein, au cours de cette heure, ces nucléotides X et Y qui complètent ACTG, donc les quatre brique de base de l'ADN qui est aussi un tour de force, c'est qu'il arrive à l'insérer, Thomas Hibert, dans une lignée bactérienne. On n'est plus in vitro, on est in vivo. Il réussit à créer des bactéries E. coli, qui sont des bactéries communes dont on a beaucoup parlé ici, avec des fragments d'ADN qui contiennent ces nucléotides. Ça, c'est un tour de force. Oui, tout à fait, ouais, parce que comme vient de l'expliquer Philippe, effectivement, il arrive à en fait intégrer toute la chaîne de valeur. Donc du départ à du départ qui est vraiment avoir une lettre supplémentaire dans l'alphabet à l'utilisation dans la cellule sur toutes les étapes, donc c'est-à-dire transcription, traduction, puis utilisation de la protéine dans la cellule de façon totalement intégrée et qui fonctionne et qui peut se répliquer. Donc entre guillemets, c'est une des premières preuves expérimentales que la vie un peu autre que ATCG peut exister. Que la vie semi-synthétique, et il faut expliquer, Philippe Marrière, que tout ça est extrêmement complexe, parce qu'il faut que ces bases soient compatibles avec toute l'instrumentation, tout l'appareillage cellulaire de réplication et de transcription, et ça, c'est un travail très complexe. Oui, donc et c'est ça d'ailleurs, c'est une espèce de démonstration par le fait, hein, que le groupe de Romesberg a établi avec cette paire XY dans des organismes vivants, dans des bactéries. Et un aspect très important, c'est que pour cet organisme remanié chimiquement, les petites lettres, hein, dans le milieu nutritif qu'on donne à ces bactéries, hein, sont devenues des vitamines, sont devenues indispensables à la prolifération de ces organismes. Et ça, c'est quelque chose qui est très simple, au contraire. Au contraire, la complexité, c'est qu'elles en ont besoin. Alors, bien sûr, elles pourraient s'en débarrasser facilement. D'ailleurs, ces bactéries, si on les cultive suffisamment, elles s'en débarrassent. Mais c'est quand même... c'est vraiment un aspect décisif, si on peut dire. Ce ne sont pas les seules créatures qui sont comme ça. Hein. Il y en a qui sont développées dans les acides aminés. Sans ajouter de base, changer l'alphabet en disant, en changeant une lettre par une lettre, disant, je ne sais pas quoi, de l'alphabet cyrillique, etc. Ce sont des choses qui sont faites, qu'on fait, par exemple, à Évry. Donc, des variations chimiques qui deviennent indispensables à des organismes vivants. Il y a plusieurs lignées bactériennes qui existent, mais la première fois qu'il y a un schéma additionnel, si on peut dire, hein, et compatible, complètement compatible avec toute la chaîne, c'est Romesberg qui l'a accompli. Un mot alors sur les différents obstacles et sur la raison pour laquelle on cite Rommelsberg comme exemple, parce que effectivement c'est un schéma complet. Vous le disiez, ou en tout cas Philippe Marlière l'a évoqué, ces nouveaux nucléotides X et Y qui sont structurellement très différents des nucléotides que l'on trouve dans la nature à CTG. Pourquoi, Thomas Hibert? Alors moi, de ce que je comprends du fonctionnement de ces nucléotides, c'est qu'ils s'apparient pas non plus de façon canonique, c'est-à-dire que normalement, il y a des liaisons hydrogène qui sont faites selon un motif particulier. Qui sont très fortes. Qui donnent une liaison, assez forte. En tout cas, la multiplication du nombre, par exemple, sur une base CEG, il va y avoir 3 liaisons, alors que sur la base AT, il va y en avoir que 2. Et donc, forcément, la force va être différente. Pour les bases X et Y de Floyd Rommelsberg, ça marche un petit peu différemment. C'est plus par stacking et par mise en combinaison d'électrons. Donc, c'est aussi pour ça que on peut pas les superposer ensemble aussi bien, et c'est quelque chose qui est différent de ce qui se passe dans l'alphabet. Ça n'en a que d'autant plus de valeur, je trouve, parce que évidemment c'est dans les milieux biologiques, c'est ce qui est reproché. Ils ont entre dans les débats qu'il y a Floyd, la base, elle a un appareillement hydrophobe, avec zéro liaison hydrogène, avec l'ajustement des formes, justement, donc c'est une solution inférieure. Mais non, mais moi, au contraire, je trouve que la démonstration, avoir mis en œuvre des motifs chimiques aussi différents des motifs chimiques ACGT, ça n'en a que d'autant plus de sens, ok? Parce que c'est un peu comme dans l'aviation, si vous voulez, au début, on a imité les oiseaux, mais après, on a utilisé le titane et des turboréacteurs pour voler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment quelque chose d'un peu parallèle là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a une réincarnation, voilà, on va le dire comme ça. Et c'était, ne serait-ce que pour trouver ces motifs chimiques, c'était moins symbolique, et tout le monde s'en foutait un peu à l'époque en disant c'est... Mais avant que ce soit vraiment implanté in vivo, mais la découverte même de ces motifs complémentaires sans liaison hydrogène était déjà un tour de force. Ah, c'est une orthogonalité supplémentaire au exactement. Système. Une question, un autre problème, et puis on va passer ensuite à l'étape d'après, c'est-à-dire à l'ARN et aux protéines, mais un autre problème de ces bases XY, vous l'avez évoqué, Philippe Marlière, c'est le problème de la stabilité, puisque naturellement, au fil des divisions cellulaires, les organismes dans lesquels ces bases sont implantées se débarrassent de ces bases qui sont considérées comme des lésions. Donc, au fur et à mesure, plus les cellules se répliquent et plus ces ADN de synthèse disparaissent. Rommelsberg a trouvé des solutions à ça aussi. Oui, mais même avant ça, il y a aussi la stabilité des bases en elles-mêmes. Et notamment, le travail du professeur Benner là-dessus est très important, parce que les autres nucléotides qu'il a réussi à créer, qui sont des lettres encore différentes de A, T, C, G, X et Y, il en a aussi créé de façon à ce qu'elles soient plus stables, parce que c'est pas si évident que ça, comme Philippe Marlière en parlait. C'est à la fois simple et complexe, les nucléotides, et le fait que ça soit stable dans le temps, ces molécules, c'est très très important pour le polymère d'ADN en lui-même. Et après, effectivement, dans la réplication, dans l'utilisation par la cellule vivante, il faut effectivement il suffit pas juste de la remplacer, il faut qu'il y ait tous les mécanismes cellulaires qui soient de concert pour faire en sorte que ça soit gardé dans le génome et que ça soit bien utilisé. Ouais, effectivement, c'est quelque chose de très complexe. On peut compter sur l'inertie dans l'évolution aussi. Si vous voulez, là, à Évry, il y a actuellement une culture bactérienne qui, au lieu de la lettre T, se sert d'un motif chimique qui est très peu sophistiqué, qui s'appelle le chlorouracile, dans lequel il y a juste un motif carboné qui a été échangé par un atome de chlore. Il n'y a pas de chlore dans la construction chimique des bactéries. Maintenant, ça fait 20 000 générations qu'elles se débrouillent avec ça. Et en fait, au bout de 6 500 générations, c'est aperçu que la base canonique marchait plus. Vous voyez, donc en fait, les rendre accros à des composés artificiels, à condition qu'ils remplissent à peu près le cahier des charges, de l'appareillement, de la structure de l'ADN, c'est pas si difficile que ça, il suffit d'attendre. Pourquoi ? Parce que toute la structure cellulaire se réajuste autour de ça, et puis là on en est à 20 000 générations, à 100 000 générations, on n'en sortiront plus du tout. Vous voyez, donc on peut piéger donc ces organismes semi-synthétiques, on appelle ça des... C'est un peu horrible, je m'excuse pardon, on appelle ça des organismes chimiquement modifiés. On a tout là-dedans, on a la chimie en plus de... C'est une expression qui est peut-être pas très heureuse, mais... Les OCM, OCM, oui, mais des organismes chimiquement modifiés sont accessibles, en fait. Et si on a assez de générations, bah, on va les piéger dans des façons de faire complètement nouvelles, quoi. La question, c'est donc du passage à l'étape d'après, hein, ce qui est la publication de Romesberg date de novembre dernier dans Nature, hein, la création de nouvelles protéines à partir de ces cellules semi-synthétiques, de ces Escherichia coli chimiquement modifiées. La question, c'est comment est-ce que on passe de l'inclusion de ces deux nouvelles lettres que l'on a pris dans une base, parce qu'il a essayé plusieurs nucléotides X et Y, c'est celle qui fonctionne le mieux, mais il y a eu plein d'essais, donc comment est-ce qu'on arrive à introduire ces nouvelles lettres et à se dire elles vont créer tel type de propriété sur les protéines. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Est-ce que c'est la bonne façon de penser cette inclusion d'un ADN de synthèse dans l'ADN naturel, Thomas Hibert? Alors, c'est une façon de faire, mais c'est pas l'unique. On n'a pas forcément besoin d'une lettre ou de plusieurs lettres supplémentaires dans l'alphabet génétique pour introduire des acides aminés différents qui sont les blocs élémentaires des protéines. On peut faire comme ça, mais on peut faire largement autrement. Pourquoi? Parce que pour passer de l'ADN à la protéine, il y a tout un mécanisme cellulaire qui fait intervenir d'autres espèces, d'autres acides nucléiques, notamment l'ARN, et qui permet en fait un contrôle à partir de là et des voies des raccourcis et des d'autres voies d'entrée pour modifier les protéines. Mais c'est quand même intéressant parce que ça veut dire qu'on peut utiliser tous les mots qui existent déjà naturellement, donc tous les acides aminés, puis on peut en rajouter d'autres parce qu'on a des nouveaux mots. Donc c'est quand même une façon de faire intéressante. Philippe Maria. Oui, non, justement, donc ça peut-être pour passer peut-être à un sujet qui est un peu limitrophe, quoi, mais qui n'est pas le même, qui est celui de la réécriture en général. Effectivement, pour réécrire du texte, c'est ça la grande frontière actuellement. Hein, parce que c'est percé, disons, dans les organismes avec des composants chimiques diversifiés. Et il n'y a pas tout à fait, il n'y a pas du tout que les nucléotides, il y a les acides aminés, il y aura des coenzymes bientôt, des vitamines, etc. Mais semi-synthétiques, hein, donc oui, bien sûr, qui n'existent pas dans la nature, organismes qu'on produit. Qui ne se débrouillent voilà. Que si on leur donne des ingrédients qui ne sont pas naturels. Ça a commencé en 1945, hein, avec des vitamines. On ne va pas entrer dans les détails, on n'a pas le temps, mais ça c'est une chose. Mais la vraie limite, bon, donc les chimistes en gros, ou les synthéticiens, ou je ne sais pas comment dire, s'en donnent à cœur joie, ok. Mais la vraie limite, c'est d'écrire du texte génétique. Et pour ça, on n'a pas besoin d'avoir des lettres de l'alphabet cyrillique ou des trucs extravagants. Et d'avoir tellement besoin de lettres mais en plus, oui, finalement. Parce que ce qu'on a depuis Venter, hein, il y a déjà un moment, c'est on sait écrire massivement du texte génétique, mais encore faut-il avoir l'inspiration d'écrire le bon. Bon. Et actuellement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de dictionnaire. Non seulement il n'y a pas de dictionnaire, mais il n'y a même très peu d'inspiration. C'est le texte, ce qu'on réécrit, il y a des génomes qui se réécrivent, il y a des techniques qui deviennent très puissantes pour réécrire les génomes. Hein. Et en particulier, il faut mentionner ici Jason Chin à Cambridge en Angleterre, qui il y a des techniques très très puissantes pour faire ça. Et donc il faut s'attendre à ce qu'on ait vraiment toute une biodiversité avec de nouveaux textes génétiques, mais on ne sait pas quoi écrire. Donc maintenant on peut écrire des millions de bases, hein, et le faire introduire dans des organismes, les changer petit à petit, mais quoi écrire et pourquoi? Et je crois que ça c'est une question à laquelle Thomas Hibert a quelques éléments de réponse. Exactement. C'est-à-dire que finalement, on vient de créer, pour résumer ce que vient de dire Philippe Marrière, on vient d'ajouter deux lettres à un alphabet, mais on ne sait pas encore quels mots on peut écrire avec ces nouvelles lettres. C'est ça, on découvre petit à petit en essayant des mots nouveaux qui apparaissent in vivo ou in vitro en fonction de l'endroit où on place ces nouvelles lettres dans le code génétique. Oui, tout à fait, mais il y a quand même une problématique qui est d'arriver à obtenir ces molécules réellement. C'est-à-dire que une fois qu'on sait quoi écrire, où on a envie d'écrire quelque chose, il faut pouvoir les synthétiser. Et quand c'est vraiment très très différent de ce qui existe dans la vie, bah, il faut pouvoir les synthétiser de nouveau, c'est-à-dire de rien, à partir de rien. On peut pas les recopier ou on peut faire des copier-coller, mais c'est très compliqué. C'est comme écrire tout un livre en prenant que des bouts de texte à droite, à gauche et en les collant sur une page. Ça deviendra titanesque si c'est très grand. Donc c'est pour ça que DNAscript développe une technologie de synthèse de l'ADN. Donc notamment pour faire en sorte que et ça sera compatible avec toutes les bases et tous les nucléotides possibles, mais ça, pour faire en sorte qu'une fois qu'on a ces lettres élémentaires, bah, on puisse les assembler en mots, en texte, en paragraphe et en livre entier génétique. Philippe Maria. Oui, alors il y a une des raisons de faire ça. Alors bien entendu, il y a la raison dont Thomas parle, c'est de déployer de techs génétiques, de nouvelles protéines, de nouveaux organismes. Donc c'est très, j'allais dire, très constructif. Il y a une raison destructrice de le faire, mais pour le bien de... très utile, hein, destructrice, mais très utile, c'est le brouillage génétique. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous préoccupés de la persistance des habitats naturels. Et les habitats naturels sont peuplés d'organismes qui ont à peu près, qui ont tous le même alphabet, et qui ont des textes qui sont, portables, hein, en informatique, hein, c'est-à-dire qu'un gène dans un baobab peut être lu par les ribosomes ou par les cellules d'une girafe. Bon. Et donc, on voit qu'intrinsèquement, on peut avoir, en s'envoyant des emails génétiques comme ça, on voit que le texte génétique dans le génome de chaque espèce est susceptible de changer. Et d'ailleurs, il y a des technologies dont on parle beaucoup, comme le gene drive, qui visent à le faire de manière programmée et contrôlée. L'édition génétique. Ouais, ça fait très très peur. Bon. Mais il y a une autre approche qui consiste à dire, non, ce qu'on veut, c'est nous, dans notre bac à sable biotechnologique, là, avoir un alphabet et des textes génétiques qui vont pas se mélanger avec les textes génétiques naturels, c'est-à-dire qui ne vont pas être lus, qui ne pourront plus être lus, ça c'est très important, mais qui seront peut-être aussi tels que les messages naturels ne seront pas lus dans les organismes. Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'avoir des nouvelles lettres ou des lettres chimiquement changées pour faire ça nécessairement, mais ça va aider quand même. Et là, on commence à arriver sur les questions éthiques qu'on va aborder dans quelques minutes. Une dernière question sur, parce qu'effectivement, hein, il faut adapter toute la mécanique de transcription de l'ARN messager des ribosomes, comme vous l'avez dit, pour pouvoir lire ces nouvelles lettres, pour pouvoir les comprendre et pour pouvoir les interpréter. Par ailleurs, partir de zéro, ça veut dire qu'aujourd'hui, il est très compliqué de dire on met telle lettre et pof, ça va sortir une protéine viable. Il faut s'inspirer. Aujourd'hui, on est encore dans une démarche, Thomas Hibert, d'inspiration d'un modèle de tel type de protéine où on va petit à petit essayer d'échanger des lettres en bougeant vraiment nucléotide par nucléotide jusqu'à obtenir une nouvelle protéine. On ne prend pas des lettres en les jetant au hasard en disant « pof, ça va faire un mot ». Alors, on fait des progrès quand même depuis pas mal d'années, mais effectivement, on en est encore à un point où ça reste très très compliqué d'avoir accès très vite à un cercle vertueux qui est le design, la construction et le test de ces fragments d'ADN qui auront un sens. Et donc, plus ce cercle tourne lentement et plus moins c'est efficace et plus en fait les scientifiques comme les industriels ont du mal à faire avancer leurs projets et donc à avoir des applications qui ont un vrai but. Philippe Maria. À ma connaissance, mais peut-être que Thomas connaît un exemple, je ne connais pas d'exemple d'une protéine qui serait complètement nouvelle. Assemblée ex nihilo. Qui aurait, c'est ça exactement, de novo protéines. Oui. Je ne crois, bon, je pense qu'il y a des protéines de novo qui ont été faites et qui se replient de manière correcte et de manière, univoque, quoi, qui ont la forme qu'on leur a donnée quand on les a dessinées. Mais je ne crois pas savoir qu'il y a un enzyme qui ait été fait comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire, par contre, du point de vue de la déformation des textes naturels, du texte naturel des enzymes, hein, c'est un alphabet là à 20 lettres en gros, là, la déformation peut être poussée très loin. Elle a été poussée le plus loin, le record là, du Guinness Book of Records, je crois qu'il est détenu par Don Hilvert à Zurich, où ils ont fabriqué un enzyme actif qui a été déformé à partir d'un... À partir d'un texte existant, hein, c'est ils l'ont déformé, ils l'ont fait avec 9 lettres, au lieu de 20, donc c'est pas mal. L'enzyme, il se replie un peu moins bien de ça. Bon. Dans le même genre, juste pour signaler ça, un petit dans le Guinness Book of Records, on a écrit une protéine avec Pierre-Yves Bourguignon. Ça, on a une espèce de petite oulipo génétique qu'on a... à titre ludique. Donc, on a fabriqué un enzyme actif qui est codé par seulement 3 bases. D'accord? Et il semble-t-il. Donc, on a réussi à le faire sans trop, à Évry, sans trop de difficultés. Au génopole. Oui, avec Brian Jester, qui est généticien là-bas, qui a monté tout ça. Donc, les séquences ont été inférées. Dès qu'on a essayé, on est arrivé. Mais, semble-t-il, il n'en existe pas dans la nature. C'est-à-dire que, il n'y a pas de texte qui s'écrit, avec seulement AGT. Non, voilà. Donc il y a de la place, quand on déforme, il y a quand même de la place pour jouer. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Listen here, people gonna tell you a story about something that is going on. There's a new technology affecting our... our biology and it's coming on big and strong. An interest in a bargain to increase the profit margin is what big firms never seem to lack. And since Watson exposed the genetic code, it's something they all want to crack. Don't you play with my DNA, leave my chromosomes alone. You can diagnose a red, red rose, but not my skin and bone. Don't you play with my DNA, leave my chromosomes alone. You can diagnose a red, red rose, but not my skin and bone. One guy's thoughts make me strong on prevention of infirmity. If your genetic credentials show with illness potential, then forget about a family. Not so long ago, this guy called Himmler had more or less the same idea. He even liquidated nephews for my Aryan perfection and made himself a good career. Don't you play with my DNA, my chromosomes alone. You can diagnose a red, red rose, but not my skin and bone, na, na, na. Don't you play with my DNA, my chromosomes alone. You can diagnose a red, red rose, but not my skin and bone. DNA, be mine or run dans la méthode scientifique sur France Culture à 16h35 puisque nous parlons de l'ADN, de synthèse tout au long de cette heure. Nous en parlons avec Philippe Marlière qui est directeur scientifique à l'Institute of Systems and Synthetic Biology au sein du Génopôle et Thomas Hibert, président et cofondateur de la société de biotechnologie DNA Script. Et bien justement, la synthèse d'ADN de base artificielle, tout cela a l'air d'une simplicité presque proverbiale comme vous venez de l'entendre depuis une demi-heure, vous avez strictement tout compris à la façon dont on assemble des nucléotides et dont on en crée des nouveaux. Mais concrètement, comment se déroule ce travail de fourmi à l'échelle nanométrique qui consiste à assembler brique par brique des nucléotides pour construire un brin d'ADN? Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu chez DNA Script pour comprendre précisément les règles de ce jeu de Lego moléculaire. C'est un jeu où le but est de trouver les meilleures configurations spatiales pour les enzymes parce qu'il s'agit d'une technologie enzymatique entre l'ADN et la protéine. Je suis allée voir Thomas Hibert, votre collègue Sylvain Gariel, cofondateur de DNA Script. Alors le savoir-faire de DNA Script, ça réside vraiment dans la capacité à manipuler ces enzymes-là, d'en modifier la forme dans l'espace pour qu'elles puissent fonctionner avec des bases modifiées et finalement obtenir de nouvelles propriétés. Ici, c'est un laboratoire de chimie qu'on est en train d'équiper dans lequel on va produire les nucléotides modifiés qui sont en fait les perles élémentaires du collier de perles que constitue l'ADN. D'une part, il y a vraiment de la chimie organique. Ensuite, il y a du travail qui est beaucoup plus biochimique, au sens de l'ingénierie des protéines, parce qu'il faut changer la forme de certaines protéines dans l'espace pour les faire travailler avec ces petits blocs élémentaires. Et puis ensuite, toute la partie consistant à combiner toutes ces disciplines et à faire ces synthèses de façon automatisée. Donc là on entre dans le labo. Alors donc au premier étage on a vu le labo de chimie et ici on a vraiment la partie production de protéines. Donc en fait c'est ici qu'on cultive des bactéries dans lesquelles on produit les enzymes qu'on va utiliser ensuite pour faire de la synthèse. On va faire produire des polymérases, donc qui sont des enzymes qui ont la capacité de recopier ou de produire dans notre cas de novo des petites chaînes d'acides nucléiques. Alors ce qu'on a devant nous en fait c'est un automate qui permet de manipuler des petits volumes de fluide et de en fait automatiser les signes de synthèse. Vous avez une espèce de tête comme une tête d'imprimante qui vient prélever des réactifs dans des plaques 96 puits et puis qui les déplace dans d'autres plaques. Et donc en fait on fait ces réactions d'addition des perles de façon séquentielle. Par exemple, si vous voulez produire une séquence ATCG, on va d'abord ajouter à la séquence que vous cherchez à allonger le nucléotide A. On va procéder à un certain nombre d'étapes dites de déprotection et puis on va passer au cycle suivant pour ajouter le T, puis le C, puis le G. Donc ça se fait de façon séquentielle. Et l'idée, c'est de pouvoir faire ces cycles extrêmement rapidement, d'arriver à ramener ces opérations à passer de peut-être 5 ou 10 minutes à quelques dizaines de secondes. C'est ça qu'on cherche à faire. Et alors, après, il y a vraiment la partie, peut-être, je pense, qui est vraiment au centre de ce que fait DNA Script, qui est justement la fabrication, le design de ces enzymes qui en fait servent à faire la polymérisation. Donc il faut s'imaginer ces enzymes comme des espèces de tout petits robots dont le métier dans la vie c'est d'attraper une perle, donc un AT ou un C ou un G, et d'aller le coller à la chaîne d'ADN qu'on cherche à allonger. Donc en fait, ce qui est spécifique, c'est que les perles avec lesquelles on travaille, ce n'est pas des perles naturelles, ce n'est pas les ATCG qu'on trouve dans la nature. C'est des ATCG qui ont été modifiés pour pouvoir contrôler l'addition. Parce que comme je vous l'ai dit, hein, on veut faire ATCG par exemple comme séquence, et on ne veut pas faire 2A ou 3A, puis un T, puis un C, puis un G. On veut vraiment contrôler exactement ce qui se passe. Et pour faire ça, la seule façon de le faire, c'est vraiment de travailler avec des nucléotides, donc des perles modifiées. Et le problème, c'est que quand on fait ça, bah, il s'avère que les polymérases présentes dans la nature ne sont pas capables de le faire. Donc en fait, toute une grosse partie de la valeur de DNAscript, c'est d'être capable de modifier ces enzymes, ces polymérases, pour les faire travailler avec des perles entre guillemets non naturelles. Et donc en fait, comment ça se passe? Bah, ça se passe en faisant évoluer des enzymes. Donc on part d'une enzyme naturelle, on fait des modifications pour changer sa forme dans l'espace, pour qu'elle puisse accepter de travailler avec une perle qui n'est plus la perle normale, mais une perle modifiée. Et en fait, on part de ça. Et ensuite, on les modifie pour essayer de changer leur forme dans l'espace. Et donc, c'est un peu ça, vraiment le cœur de la valeur de ce que fait DNAscript. C'est vraiment, c'est ce que fait quelqu'un comme Misha qu'on voit là, ici, de dos. C'est la capacité à comprendre la relation entre la structure et la fonction de ces enzymes. Comment on arrive à configurer cette enzyme dans l'espace? Comment on arrive à lui donner telle ou telle forme pour avoir telle ou telle propriété? En fait, ouais, on connaît sa séquence en ADN et ça nous permet d'avoir une idée de quelle est la séquence en termes d'acides aminés. Les acides aminés, c'est ce qui constitue les protéines. Et en fait, on connaît un peu les caractéristiques de chaque acide aminé, donc on peut faire des conjectures sur quelle est la forme dans l'espace. Donc en fait, il y a un énorme travail à faire consistant à comprendre quelle est la forme dans l'espace de l'enzyme naturelle et ensuite de se dire, ah bah attends, en fait, peut-être que si je change tel acide aminé, vous voyez, c'est la protéine, elle aussi est une sorte de collier de perles, sauf que la perle de base, c'est plus des nucléotides, mais des acides aminés. Si je change tel ou tel acide aminé à tel endroit, les propriétés physico-chimiques de ma chaîne vont changer, et donc la forme dans l'espace va changer également. Et c'est pour ça que c'est technique, hein, c'est qu'il faut très bien connaître l'enzyme, le châssis entre guillemets d'enzyme sur lequel on travaille initialement, et ensuite c'est plutôt un travail assez intellectuel de réfléchir à, ok, en fait, quelle est vraiment la forme dans l'espace, et qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je comprends des interactions physique au sein de cette molécule pour pouvoir les faire évoluer. Et on est vraiment à un moment qui est passionnant parce qu'en fait, ce qu'on est en train de faire, il y a une sorte de course technologique. On n'est pas la seule société à développer d'une part des technologies de synthèse ADN, loin s'en faut, et d'autre part des technologies enzymatiques. Donc il y a des gens qui ont vraiment des idées extrêmement proches de ce qu'on fait, de ce que fait DNAscript. Et donc c'est un moment vraiment passionnant. Et alors qu'est-ce que les clients, enfin ou les futurs clients, parce qu'aujourd'hui on n'est pas une société qui est commerciale, donc on vend rien à ce stade. Notre technologie n'est pas encore prête. Mais le jour où elle sera prête, là, on ira la vendre à un certain nombre de gens dans des secteurs ça peut être extrêmement varié, notamment dans l'industrie pharmaceutique. Un moment ou un autre, il faut être en mesure d'écrire des fragments d'ADN ou d'ARN plus ou moins longs pour pouvoir aller modifier le fonctionnement de certaines cellules. Par exemple, des vaccins ARN qui pourraient permettre de lutter non seulement contre des maladies infectieuses, mais aussi contre des cancers. Donc l'idée, ça serait, on détecte des cellules cancéreuses dans le patient. Et bien, ce qu'on peut envisager, c'est de prélever certaines cellules, de les séquencer, donc des cellules cancéreuses, de voir quelles sont les particularités génétiques de ces cellules cancéreuses. Et sur cette base-là, de construire un nouveau vaccin, qui sera un vaccin à ADN ou à ARN, qui sera complètement personnalisé au cancer du patient. Donc, c'est vraiment la prochaine frontière de la science, quoi, de notre point de vue. Voilà concrètement comment on assemble des nucléotides dans un laboratoire des réactions rapides à ce que vous venez d'entendre. Thomas Hibert, c'est chez vous ce qu'on vient d'entendre. J'imagine que vous êtes fier de vos équipes. Tout à fait, oui. Mais c'était clair, ça permet de revoir concrètement ce qu'on s'est dit tout à l'heure de manière un peu plus théorique. Ouais. Alors, et ce que j'aimerais bien ajouter, c'est que c'est vraiment quelque chose de totalement différent de ce qui se fait aujourd'hui. Parce que faire de l'ADN de synthèse, on en fait depuis la découverte de l'ADN, en fait, et depuis la découverte de la structure, notamment de manière chimique. Donc ça fait 40 ans qu'on fait de la même façon et ça a des limites. Et ce que fait DNAscript, c'est vraiment de le faire d'une façon nouvelle qui est plus proche de ce que fait la nature, c'est-à-dire en utilisant les outils qu'a développé la nature et qui ont évolué sur des milliards d'années, hein, littéralement parlant. Philippe Marley, une réaction à ce que vous voulez entendre? Oui, c'est la... Comme les ateliers de l'imprimerie à la Renaissance, hein, c'est à ça que ça fait penser. Là, c'est des équipes avec des trésors d'ingéniosité, hein, pour ne pas pour rester dans la synthèse, mais pas dans la chimie. C'est ça qui se passe, c'est ça l'enjeu. Et en fait, il y a quand même pas mal d'options, hein, et donc c'est tout à fait passionnant parce que Il faut comparer ces différentes approches, et puis parce que l'enjeu est absolument démentiel. Il faut quand même le voir. Il faut le dire carrément, enfin parler de ça, mais c'est le spatial, tout le monde est d'accord pour reconnaître l'importance du spatial dans le bien-être en général, tout ce qui est, disons, l'industrie du nucléique, hein, c'est peut-être un peu connoté, mais c'est quelque chose qui va être de même ampleur, au moins d'aussi grande ampleur, et on en est au stade où ce sont des entreprises petites qui innovent après la chimie. On en est au béaba. Alors les applications, c'est toujours un peu compliqué, parce que quand on lit les applications, on a l'impression que c'est monts et merveilles. Hein. C'est-à-dire que d'un seul coup, tout va être possible. On va pouvoir trouver à la fois en médecine des médicaments, synthétiser des protéines qui vont être en fait des anticorps qui vont aller cibler directement. Ça va s'appliquer à l'industrie, à la dépollution, aux énergies vertes. On a l'impression que c'est un peu la corne d'abondance qui nous est promise. Concrètement, comme il nous reste une dizaine de minutes, pour les applications qui vous semblent les plus immédiatement évidente, Thomas Hibert, de cet ADN de synthèse, et notamment de l'utilisation de ces deux nouveaux nucléotides, ou deux nouveaux nucléotides, que ce soit XY ou les autres. Alors, c'est mon émerveille aussi, parce que ça c'est de la recherche qui est à la frontière de nos connaissances et de nos connaissances techniques et scientifiques. Donc, ça nécessite du financement. Donc, on peut pas, il faut faire rêver les gens qui nous financent. Donc, c'est normal qu'on parle de toutes les applications potentielles qui sont trouver aujourd'hui, mais des applications dont on n'a pas encore idée vont aussi arriver. Hein. Ça a été le cas dans toutes les technologies transformantes, notamment dans le cas du séquençage, où quand on a introduit une technologie transformante, y a des applications auxquelles on n'a pas pensé qui sont arrivées. Donc c'est vrai aussi pour la synthèse. Mais les toutes premières qui vous semblent accessibles Les toutes premières qui sont accessibles, c'est dans le domaine de la santé, dans le domaine... C'est-à-dire dans le domaine de la santé, précisément. Alors, dans le domaine de la découverte de nouveaux médicaments, de la production de nouveaux médicaments, de la compréhension de certaines maladies, et de la médecine personnalisée, c'est-à-dire tout ce qui est ce qui touche vraiment à comment soigner mieux, plus efficacement, sans qu'il y ait tous ces effets secondaires, les personnes sur des maladies qui sont parfois incurables. Philippe Marlien. Il y a un autre domaine aussi d'application qui se déploie, qui est en train de se déployer. Ça va être vraiment tout ce qui a à voir avec la préservation des ressources en général. C'est-à-dire de l'eau, la préservation des éléments. On entend dire déjà il y a des crises pour tous les éléments. Bientôt on s'attend à ce que le lithium nous manque, des choses comme ça, le phosphore, etc. Et donc en fait, il faut s'attendre à énormément d'innovations par la création de nouveaux matériaux, dont certains seront peut-être de type nucléique d'ailleurs, pour préserver l'énergie et les ressources matérielles. Ça c'est pour le monts et merveilles. On va passer. Il nous reste une dizaine de minutes. J'aimerais qu'on aborde évidemment ce que vous évoquiez. Vous, c'est vous, le Philippe Marrière, qui avait utilisé le mot démiurgique tout à l'heure pour au début de cette émission. Il y a évidemment un certain nombre de questions éthiques qui se posent. La première, on va essayer d'en traiter deux ou trois, mais la première d'entre elles est de savoir ce que vous évoquiez là aussi, Philippe Marrière, tout à l'heure, c'est-à-dire la contagion dans le vivant quand on introduit des nouvelles bases ou des nouveaux nucléotides, alors que dans un monde qui n'en connaît que 4, est-ce qu'il y a un risque à un moment donné, si on utilise ces organismes, ces bactéries en extérieur, que ces nouveaux nucléotides se répandent et qu'elles modifient, qu'elles aient un rôle mutagène sur l'ADN des autres de l'environnement? Comme Philippe Marlière l'a expliqué, hein, un des buts de l'introduction de ces nouvelles bases, c'est justement de vraiment faire une porte étanche entre ce qui se passe dans la vie qui nous entoure et ce que les personnes dans les laboratoires veulent faire, et de le faire de façon industrielle à plus grande échelle. Donc c'est vraiment une des applications hyper intéressantes de ces nouvelles bases, et qui est vraiment concrète dès aujourd'hui, hein, ça c'est sûr. Et scientifiquement, c'est intéressant aussi, parce qu'on appelle ça le confinement... confinement chimique ou nutritionnel. Et c'est aussi un confinement sémantique, c'est-à-dire si les mots dans l'ADN n'ont plus le même sens. Donc on voit que potentiellement, il y a effectivement la perspective de faire une tour de Babel ou quelque chose comme ça, dans lequel les langages ne sont plus du tout les mêmes entre la nature et les milieux artificiels. Alors quand on dit ça, paradoxalement, c'est une idée qui est détestée par le public. Hein. Quand on vous dit, plus on va faire des trucs artificiels et babéliens, et mieux ça va aller pour tout le monde, et les guépards, et toutes les pauvres créatures qui, dans les habitats rétrécissent comme peau de chagrin, ça est un peu paradoxal, mais on peut se persuader assez vite que c'est une piste vraiment à explorer. Et dans ce cas-là, le critère scientifique pour faire ça, ce sera le confinement absolu. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout ce qu'on nous raconte sur en biologie de synthèse et tout ça, en disant on fait un ou deux bricolages et la nature, tiens-toi bien, elle va, nos systèmes vont jamais déborder, c'est carrément faux, faut le savoir, hein, d'accord, c'est du wishful thinking aux US. Donc avoir de l'infaillibilité dans le confinement, c'est une très très intéressante question scientifique, et évidemment avec des enjeux technologiques et environnementaux énormes. Donc il faut L'autre grande question, c'est évidemment celle de la brevetabilité du vivant. Quand on introduit de nouveaux nucléotides, on crée des êtres semi-synthétiques. Donc, quel est le régime de ces nouvelles créatures vivantes? Est-ce qu'elles peuvent être brevetées? Est-ce qu'elles peuvent appartenir à une société privée comme la vôtre, par exemple, Thomas Hibert? Qu'est-ce qu'on fait de ces créatures et de ces nouvelles molécules que l'on met sur le marché? Alors, on brevette pas des créatures ni des êtres vivants. Ce qu'on brevette, c'est dans certains cas des molécules chimiques. À l'image de ce qu'on fait quand on brevette un médicament, en fait, c'est possible, et c'est ce qui sert aussi à valoriser la recherche, parce que encore une fois, il y a beaucoup de financement, que ça soit du financement public ou privé, et le brevet est l'outil qui est universel, hein, tous les pays l'utilisent pour permettre à l'inventeur, au découvreur, de bénéficier en primauté pendant une durée déterminée, hein, pas pendant une durée trop longue non plus, c'est 20 ans de son invention. Donc, ce qu'on va pouvoir brevetés, ce sont par exemple les nucléotides, et d'ailleurs Floyd Rosenberg l'a fait, puisqu'il crée aussi une société, Syntorx, sur ce sujet-là, donc pour l'utilisation et la valorisation de ces nucléotides. Et ce qu'on va pouvoir faire, et ce que vous avez entendu dans le reportage, c'est breveter des enzymes qui ont été modifiées et sur lesquelles on a passé plusieurs années pour les modifier. Breveter des enzymes, on l'entend, mais que quid de la bactérie qui produit ces enzymes? Elle est brevetable aussi chez Coli? Oui, mais pourquoi pas, vous savez, les variétés végétales. Parce que jusqu'à présent, il y a une forme de consensus sur l'intérêt. La question de la brevetabilité du vivant. Oui, il y a une question récurrente là-dessus, mais en fait, il y a pas mal d'organismes, des variétés végétales en particulier, qui ont tout un ensemble de procédures juridiques reconnues internationalement pour le faire. Donc moi, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas dans des organismes semi-synthétiques. On peut penser à de l'open source, hein. On pourrait penser à mettre à la disposition de la communauté scientifique ou des industriels des organismes qui dépendent de nutriments particuliers ou de briques pour construire les messages génétiques, et de telle sorte que tout le monde en bénéficie, un peu comme ça s'est fait en informatique. Est-ce que c'est pas du wishful thinking précisément quand on voit ce qui s'est passé par exemple dans le domaine de l'agronomie, des biotechnologies agricoles? C'est peut-être pas ces industries là qu'il faut regarder pour le moment. Ce qu'il faut regarder, c'est peut-être les éditeurs de logiciels, hein, qui pour une certaine part ont recouru aussi à l'open source. Qu'est-ce que vous en pensez, Thomas Hibert? Je pense qu'en fait, ça, il faut être vraiment très très précis quand on parle de brevetabilité, il faut être très très précis. On peut breveter une souche qui va produire une enzyme bien déterminée qui aura nécessité du travail, ça oui. On peut pas breveter un être vivant qu'on a découvert. Pour le cas des êtres vivants synthétiques, encore une fois, il va falloir regarder bien dans les détails d'où vient l'innovation, quels sont les utilisés. Il y aura pas qu'un seul brevet qui est utilisé, un peu comme dans l'électronique qui nous entoure, il y a jamais un seul brevet qui est utilisé, et donc ça va être assez dilué, il va y avoir une vraie industrie qui va se créer autour de ça. Parce que là, pour le moment, on parle de bactéries, donc d'êtres cellulaires relativement simples. Quand on va commencer à arriver à pouvoir introduire des nucléotides de synthèse dans des êtres plus complexes, quel statut on donne à ces êtres plus complexes? Ça, c'est quelque chose qu'il faudra tous construire ensemble, effectivement. Ça peut pas être un input seulement des industriels. Il faut que les académiques, il faut que les pouvoirs publics soient impliqués là-dedans. Et comme on est vraiment à la pointe des connaissances et de la science et de la technologie là-dessus, il va falloir créer tout l'écosystème, tout l'environnement autour de ça. Ça c'est vrai. En un mot, Philippe Maillard, pour conclure, vous pensez qu'aujourd'hui les pouvoirs publics ont pris la mesure de la révolution en cours et justement des enjeux éthiques, économiques à venir sur l'ADN de synthèse et les êtres semi-synthétiques? Je crois que l'importance du l'importance de la, du domaine de l'approche est bien comprise, et en particulier par le ministère de la Défense, par exemple, qui, et pas seulement, on pourrait penser à l'agriculture, mais je pense que c'est bien compris. Par contre, je crois que le rythme auquel ces choses-là sont en train de se faire est un peu sous-estimé. Et je suis pas sûr qu'en particulier, bon, je sais pas si c'est le moment de faire ça, mais je ne suis pas sûr que les modalités par lesquelles l'innovation est financée en France en particulier soient vraiment à la mesure de ce qui va se passer en Europe et ailleurs. Voilà, c'est un débat passionnant, mais qu'il faudra avoir au cours d'une prochaine émission. En attendant, il est 16h53, nous sommes mercredi, comme chaque mercredi. Nous recevons de jeunes scientifiques qui viennent nous présenter leurs travaux de recherche en un temps limité, 4 minutes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Barbara Benyamin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en troisième année de thèse à l'Université Paris-Sud et à l'Institut Gustave Roussy. Bienvenue à la recherche Montre en main, c'est à vous. Donc bonjour, déjà merci pour cette invitation. Vous êtes la bienvenue. Effectivement, je suis en troisième année de thèse à l'Institut Gustave Roussy sous la direction du docteur Patricia Canouche, donc au sein de l'unité CNRS Paris-Saclay de stabilité génétique et oncogénèse. Et dans notre laboratoire, nous nous intéressons aux différents mécanismes cellulaires et moléculaires à l'origine des cancers. Donc pas particulièrement à l'ADN de synthèse, mais ça se rejoint plus tard. Donc tout d'abord, je vous rappelle que pour qu'un organisme pluricellulaire comme l'homme se développe de manière harmonieuse, il faut que l'information génétique portée par son ADN se transmette de la manière la plus fidèle possible. Et ceci a lieu au cours de la réplication de l'ADN, durant laquelle une cellule mère va dupliquer l'intégralité de son génome afin de donner naissance à deux cellules filles qui vont être porteuses chacune du même patrimoine génétique. Ce processus se fait grâce à des protéines donc appelées ADN polymérase dont on a déjà parlé dans l'émission et qui vont être capables de répliquer l'ADN de manière hautement fidèle. Et si cette réplication est incorrecte, cela peut perturber la stabilité du génome et ainsi engendrer l'apparition de maladies ou le développement d'un cancer par exemple. Or cet ADN peut être soumis à différents types d'agressions pouvant gêner sa réplication. Et ces agressions peuvent venir de la cellule elle-même, de par son métabolisme naturel, ou de facteurs environnementaux tels que les rayons ultraviolets ou la fumée de cigarette. Et ces agressions peuvent aller altérer la structure de l'ADN en créant des lésions qui peuvent dans certains cas aller bloquer la réplication et ainsi engendrer la mort cellulaire car ces ADN polymérases hautement fidèles vont être incapables de franchir ces lésions. Donc dans notre équipe, on s'intéresse plus particulièrement à une famille de polymérases spécialisées qui vont être capables de franchir ces lésions spontanément, qui s'appellent les polymérases translésionnelles, et qui vont ainsi éviter le blocage de la réplication. Cependant, ce franchissement va se faire dans la majorité des cas de manière infidèle, et ceci peut conduire à l'établissement de mutations qui représentent une modification de l'information génétique. Et donc il paraît paradoxal que la cellule ait conservé des ADN polymérases mutagènes, potentiellement dangereuses pour l'intégrité de leur génome au cours de l'évolution. Donc dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse plus particulièrement à une de ces polymérases translésionnelles qui s'appelle l'ADN polymérase zeta. Et mon but est de comprendre le fonctionnement de cette protéine, sachant qu'elle est essentielle au bon développement d'un organisme. En effet, lorsqu'elle est absente, cela entraîne une mort embryonnaire chez la souris. Donc on peut se demander comment une protéine aussi mutagène est devenue nécessaire au cours de l'évolution. Et donc mes résultats en fait montrent que cette polymérase est capable de répliquer des régions d'ADN qui vont être spécifiques, et que les ADN polymérases hautement fidèles ont du mal à répliquer dans des conditions physiologiques. En effet, en son absence, j'observe que la réplication est fortement altérée dans ces régions, ce qui va générer une forte augmentation des cassures de l'ADN qui peuvent entraîner des réarrangements chromosomiques majeurs. Et ces résultats peuvent donc expliquer la létalité qui a été observée chez la souris en son absence, et suggèrent donc qu'au final, il serait préférable d'avoir ces polymérases qui, certes, vont engendrer de nouvelles mutations, mais qui restent toutefois beaucoup moins graves que les cassures engendrées par le blocage de la réplication. Et pour la fin de ma thèse, je souhaite préciser le rôle de cette polymérase face à différents types de lésions, donc comme lors de traitements chimiothérapeutiques anticancéreux, dont le rôle principal est de créer des lésions dans les cellules cancéreuses pour les empêcher de proliférer. Et donc justement, si cette polymérase zeta est capable de prendre en charge ces lésions, n'aurait-elle pas un rôle dans le maintien du développement de ces cellules cancéreuses et potentiellement dans la résistance des cellules à ces traitements ? Dans ce cas, il pourrait être intéressant d'aller associer un traitement anticancéreux avec des inhibiteurs de cette protéine dans le but de freiner le développement des cellules cancéreuses d'une part et de contrer potentiellement les phénomènes de résistance d'autre part. Enfin, pour conclure, la conservation de ces polymérases translésionnelles chez tous les organismes laisse penser qu'il existe une sorte de balance dans la cellule, qui est de choisir entre le pire et le moins pire, entre supprimer ces polymérases ou les conserver au prix d'apparition de nouvelles mutations. Toutefois, je rappelle que ces mutations ne sont pas toujours néfastes, puisqu'elles ont aussi participé à l'établissement de la biodiversité, ainsi qu'à l'adaptation des cellules à leur environnement. Et finalement, ces polymérases ont joué un rôle important dans l'évolution des génomes. Merci beaucoup Barbara Benyamin. Nous n'avons pas le temps d'engager un petit discours, mais je voyais Thomas Hibert opiner à la lecture de votre exposé. Ça avait l'air de l'intéresser, vous pourrez en discuter hors studio. Merci beaucoup Barbara Benyamin, merci Thomas Hibert, merci Philippe Marrière, merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Aujourd'hui c'était Élise Le à la technique. Je vous dis un petit mot pour vous dire que vous pouvez venir assister en direct samedi à notre forum L'année vue par les savoirs à la Sorbonne, hein, toute la journée autour de la question animale. Pour ce qui nous concerne, de 15h30 à 16h30, nous parlerons de l'émotion animale. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire sur le site franceculture.fr. La suite de vos aventures dans un instant, troisième épisode de la série documentaire consacrée à Lascaux 4 par Perrine Carvan et Diffy Mariani. Tout à l'heure, après le journal de 18h, du grain à moudre présidentiel russe, une élection sans enjeu demandera Hervé Gardette à ses invités. Et pour ce qui nous concerne, eh bien demain, nous demanderons quand et comment nous avons appris à compter l'indénombrable, ou plus exactement, à quel moment sont apparus les infinis dans le calcul mathématique. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.